magique. Mais lâchement, un chasseur a tué sa maman. Ba ba ba ba, mon gentil petit éléphant. Ba ba ba ba, toi qui es l'ami des enfants. Ba ba ba ba, emmène-nous petits et grands au pays des bons éléphants où tout le monde est content. Ba ba ba ba, vite avec toi on veut partir. Ba ba ba ba, retrouver le Saint Joséphine. Je serai ta maman. Tu t'es mariée avec ta petite cousine. Roi des éléphants, te voilà père de trois enfants. Ba ba ba ba, mon gentil petit éléphant. Ba ba ba.